Bonjour mes chers amis, et on va aujourd'hui voir chapitre 18, verset 9 jusqu'au verset 14. C'est une histoire qu'on connaît bien. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela, mais on va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, on te remercie que tu nous instruis par ta parole. Des fois je me dis, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas ta Bible? On ferait probablement comme bien d'autres, on suivrait nos propres pensées, on laisserait aller notre imagination, on s'inventerait des idoles et des religions quelconques. Mais tu nous as laissé ta parole. Ta parole est venue parmi nous en Jésus, et ta parole nous a été laissée par lui. Son enseignement nous a été écrit par les gens qui l'ont connu et qui ont été là. Et nous avons aujourd'hui ta parole. Guide-nous par elle aujourd'hui. Amen. Donc, on est encore dans cette portion de l'Évangile de Luc, où est-ce que Jésus monte à Jérusalem, il va mourir dans les jours et les semaines qui s'en viennent. C'est arrêté, c'est décidé. Jésus le répète, il va encore le répéter une autre fois dans ce chapitre. Il l'avait dit hier, je dois souffrir beaucoup et mourir. Il l'a répété à plusieurs reprises. Il sait que les autorités juives et romaines vont se mettre ensemble pour faire mourir le crucifié. Donc, il sait, en tant que peuple, c'est terminé. Le peuple d'Israël a rejeté son Messie, son roi. Oh, il y en a quelques-uns à travers qui vont croire. Mais le peuple, dans son ensemble, a rejeté son Messie. On a vu dans le chapitre 17 et 18, malheur. Hein? Celui qui scandalise, malheur à lui. Celui qui n'a pas de foi, malheur à lui. Celui qui est un serviteur inutile, malheur à lui. Celui qui a perdu son espérance, qui n'attend plus le retour du Seigneur, malheur à lui. Celui qui n'a plus de foi, qui arrête de prier pour être justifié, dans le sens que la justice soit faite, que le Messie vienne et établisse son royaume. Si j'ai plus cette espérance-là, malheur à moi. J'ai plus la foi, comme on a vu hier. Aujourd'hui, on va voir malheur à celui qui s'élève. Mais regardons bien qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole, encore une fois, qu'on appelle la parabole du pharisien et du publicain. Donc, lisons. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, de cette parabole a été, nous en tant que catholiques du moins, je ne sais pas si dans d'autres mouvements religieux c'est ça, on avait cette habitude, quand on récitait certaines prières, de se frapper la poitrine, puis on disait... Par ma faute, par ma très grande faute. Hein? Des fois, quand on faisait des prières en latin, on le disait en latin. Ça vient de cette parabole-là. Mais on avait changé le sens, ça s'en allait, à travers les siècles. Hein? On a changé le sens. Non, on va voir le vrai sens. Qu'est-ce que Jésus nous dit. Donc, pourquoi est-ce qu'il raconte la parabole? Il faut bien comprendre la raison. Il ne faut pas l'appliquer maintenant à des chrétiens. Parce qu'il va parler de cette parabole-là parce que il dit, en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes. Donc, il y a des gens qui croient qu'ils étaient justes. Il y avait des pharisiens, dans le texte, c'est le pharisien. Les pharisiens, les gens religieux, se croient justes, se croient meilleurs que les autres, se croient différents des autres, se voient au-dessus des autres. Il dit, ils se croyaient, ils se persuadaient eux-mêmes d'être justes. T'as bien beau te persuader d'être juste toi-même, t'as bien beau te convaincre à te regarder dans le miroir, mais celui qui va te déclarer juste, c'est le juge. Même si tu crieras très très fort que t'es innocent, que t'es juste, c'est le juge qui va décider. Et il ne faisait aucun cas des autres. C'est-à-dire que les autres sont rien. Les autres, c'est des rien par rapport à moi. Moi, je suis là, puis les autres sont en bas, là, les mauvais. Là. Nous, on est bons, on est purs, on est sains, on est juste dans notre comportement. On est des gens justes, nous, on est des gens bons. On ne fait pas de mal à personne. Et qu'on entend ça souvent. Pas juste des gens religieux. Il y a des gens qui ne sont pas religieux du tout, mais ils se croient bons, ils se croient justes. Ils se croient respectables. Et là, Jésus raconte la parabole en vue de ces personnes-là, pour que ces personnes-là comprennent que s'ils gardent cette attitude-là, ils vont être condamnés. Il dit, il y a deux hommes, un pharisien. Pharisien, ça, c'est la crème de la crème chez les Juifs. C'est les gens très religieux. L'apôtre Paul, qui est un homme excessivement zélé, il dit, je suis un pharisien, né de pharisien, très pratiquant de la loi, bien zélé. Paul se voyait juste. Il se déclarait lui-même juste. Il s'était persuadé qu'il était juste aux yeux de Dieu. Puis le pharisien, il est debout dans l'église ou dans le temple, puis il vante ses mérites. « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme les méchants, comme ce publicain-là qui est là. » qui sont ravisseurs, injustes, menteurs, adultères, comme ce publicain-là, au côté-là. Comme les Hells Angels, comme les gouvernements qui sont croches, eux autres sont croches, ah, comme les gens là, qui font de la fraude partout, les arnaqueurs, les hackers, puis tous ces riches de ce monde, c'est toute une gang de voleurs. Moi, je suis correct. Moi, je suis une pauvre victime, moi, puis je ne fais pas de mal à personne. Le gouvernement nous vole, mais moi, je ne vole jamais à personne. Le gouvernement nous compte plein de menteries, mais moi, je n'en compte pas de menteries. Ah, ça, c'est une gang d'orgueilleux. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Ils se vantaient. En bon québécois, c'est des gens qui se vantent. Ils vantent leur mérite. Il faut avoir du front. Je ne suis pas comme les autres hommes. Je te remercie que je suis différent des autres. Il s'élevait. Puis là, il ne dit pas ça au voisin. Il n'essaie pas de convaincre le voisin, là. Il dit ça à Dieu lui-même. « Oh Dieu! Oh Dieu! Je suis tellement juste que je n'ai pas besoin de sauveur, moi. Moi, le Messie, je n'ai pas besoin de me sauver mon âme. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, d'un Jésus pour venir me sauver. Je n'ai pas besoin. » Je suis juste. Hein? Quelqu'un qui est convaincu à 100% qu'il est juste, pourquoi qu'il aurait peur de rencontrer la police? Pourquoi qu'il aurait peur d'aller en cours? Je suis juste. Ils ne pourront jamais me condamner. Je suis juste. Puis là, il se vante au verset 12. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme. Je fais des dons de tous mes revenus. Donc, je suis un homme généreux. Et je pratique ma religion comme il faut. Je suis un homme juste. Et dans la même bâtisse, dans la même salle, il y a un publicain. Pour la société, Ils étaient considérés comme des gens de mauvaise vie, des voleurs, des arnaqueurs, des abuseurs, des menteurs. Dans la société, les pharisiens, ça sonne aux gens religieux à nous autres. Puis le publicain, ça, c'est la mafioso. Ceux qui prenaient des enveloppes brunes, ceux qui volaient, ceux qui abusaient de leur autorité. Lui, il se tient en arrière de la salle. Il est à distance. Il est un peu dans l'ombre. Il n'ose même pas lever les yeux. Il regarde le plancher. Mais il se frappe la poitrine. C'est quoi? C'est un signe de tristesse chez les Juifs. Il se frappe la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Apaisé, ça veut dire quoi? C'est pas « calme-toi », là. C'est « ne sois pas en colère ». Calme ta colère contre moi qui est un pécheur. Il n'ose même pas lever les yeux vers Dieu. Il se frappe la poitrine de contrition. Il dit, aie pitié de moi. Aie pitié, ça veut dire, je mérite ta colère. Je mérite que tu sois en colère. Mais je te demande d'être apaisé. Je te demande de me pardonner. Je te demande d'avoir pitié de moi, qui est un pécheur. Voyez-vous? Jésus s'adresse aux gens qui se persuadaient eux-mêmes qu'ils étaient justes. Et contre cette parabole-là, là, il met les deux. Un qui se croit juste et qui se vante de sa religion, qui est une bonne personne, qui ne fait pas de mal à personne. Et l'autre, qui sait qui est pécheur, qui est méchant et qui mérite la colère de Dieu. Il mérite. Je me souviens un jour d'avoir lu cette parabole-là à un homme. J'ai demandé, où est-ce que tu te vois? Et sans trop d'hésitation, ben, il dit, je me vois comme le gars en avant. Je me vois comme le gars en avant. Un propre juste. Respectable, un bon gars. Je ne sais pas comment j'ai entendu ça dans ma vie. Quand je parlais de Dieu, de la Bible, de Jésus, du Sauveur, les gens me disent, je ne fais pas de mal à personne, moi. Des justes. Ou je pratique ma religion, moi. Des justes. Mais Jésus va dire quelque chose qui va surprendre ses propres justes-là, qui va surprendre les pharisiens, et même les disciples sont surpris. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, c'est-à-dire qu'il est retourné chez lui, justifié, déclaré juste par Dieu, plutôt que l'autre pharisien, vantard, qui se croit juste. Celui qui se croit juste, celui qui s'élève, n'est pas justifié, il est au contraire condamné. Mais celui qui s'abaisse, qui sait qu'il mérite la colère de Dieu, lui qui demande d'avoir pitié, lui qui demande à Dieu, aie pitié de moi, apaise, sois apaisé envers moi, lui va être justifié. Si tu oses lever les yeux vers Dieu et dire, je mérite d'entrer dans le ciel. Je suis un bon gars, j'ai pratiqué ma religion. Peu importe la foutue religion que tu pratiques. T'es condamné. Tu ne seras jamais justifié. Mais si honnêtement, dans ton cœur, tu sais que tu mérites la condamnation et que tu demandes avec Dieu, dans l'humilité, aie pitié de moi, sois apaisé envers moi qui est un pécheur, Dieu va te justifier. Dieu ne demande pas à personne de pratiquer une religion pour être justifié. Dieu ne demande pas à qui que ce soit d'observer les sacrements pour être justifié. Dieu ne nous demande pas de faire des sacrifices pour être justifiés. Dieu ne nous demande pas de faire des neuvaines et des chapelets et des prières pour être justifiés. Dieu ne nous demande pas non plus de lire la Bible pour se justifier, ou de prier pour se justifier, ou de pratiquer une religion quelconque pour se justifier. Il dit, reconnais. Reconnais que tu es un pécheur et que tu mérites la colère de Dieu. Tu mérites d'être condamné. Et demande à Dieu d'apaiser sa colère envers toi. C'est pour ça qu'il termine en disant, « Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. » Quand tu regardes Dieu, quand tu penses à Dieu, comment te vois-tu? Est-ce que tu t'élèves ou est-ce que tu t'abaisses? Attention, il ne faut pas penser que maintenant, si tu es quelqu'un qui prie, puis qui va à confesse, puis que tu avoues que tu es pécheur, puis que tu penses que c'est comme ça que tu vas aller, tu vas plaire à Dieu. Non, là, tu essaies de te rendre acceptable. Il y en a qui disent, mais non, moi, je sais que je suis pécheur, genre, je pratique une religion pour me rendre acceptable. Il y en a qui prient même Dieu pour qu'il puisse s'améliorer pour être acceptable aux yeux de Dieu. Pas ça qu'il manque. Il dit, accepte que tu n'es pas acceptable, que tu mérites d'être condamné, et je vais, moi, te justifier. Il faut faire attention maintenant, en tant que chrétien, de ne pas penser qu'après qu'on ait été justifié, il faut faire de quoi maintenant pour être encore plus juste. Non. On a été justifié une fois pour toutes. Les chrétiens, tout au long de leur vie, savent qu'ils n'ont jamais mérité et qu'ils ne mériteront jamais quoi que ce soit. Ils savent ça. Ils savent qu'ils ont été justifiés. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse que le peuple de Dieu dans l'éternité va chanter la gloire de Dieu qui les a justifiés. C'est pas, ah, j'ai été justifié, oui, j'ai été justifié, mais maintenant, j'ai gagné des galons par ma vie chrétienne. J'ai gagné des galons, je me suis amélioré, là. J'ai gagné des galons, puis là, ben, Dieu va falloir qu'il me donne de quoi, là, en conséquence de cela. Non, non, non, non, non, non. On ne mérite rien, on ne méritera jamais rien. Nous avons été justifiés parce que nous avons reconnu qu'on était des pécheurs et qu'on méritait la colère de Dieu. Et Dieu nous a justifiés. Notre bon Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu. Que tous ceux qui se déclarent injustes devant Dieu, Dieu va les déclarer justes. Ô notre Père du ciel, tes pensées ne sont pas les pensées des hommes et des femmes religieuses. Tu te plais dans la présence des hommes et des femmes qui se sont repentis et qui ont confessé leur état